بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فسيسي دي لونج إتا الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de cette rencontre sur les ondes de Radio Taqwa. On se rencontre autour de l'étude de la Risala de Cheikh Abdallah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, intitulée « Le droit du prophète » alayhi salatu wassalam. Et nous sommes avec le troisième droit. قال حفظه الله الحق الثالث محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست شعارا يرفع، إنما هي حقيقة تتبع ومنهج يسلك وطريقة يسار عليها. فالله أوجب لنبينا عليه الصلاة والسلام حقوقا له علينا تقع بالقلب واللسان والجوارح. Et donc, le troisième droit que nous traitons aujourd'hui, il concerne l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, le fait d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, Habibullah, aimer le messager d'Allah, ce n'est pas une devise vide de sens qu'on prononce comme ça. C'est une réalité qui doit être prouvée par son suivi alayhi salatu wassalam. Et c'est une voie qu'il faut prendre et sur laquelle on doit être. Allah nous a fait obligatoire des droits pour notre prophète alayhi salatu wassalam. Des droits qui s'accomplissent avec le cœur, avec la langue et avec les différents membres du corps. Yaqulu hafidhahullah, yaqulu shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullah alayh. حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين، ويقول كما أن محبته هي أصل الدين، فكذلك كمال الدين يكون بكمالها ونقصه يكون بنقصها. Et donc, Cheikh l'Islam, dans ce cas cité Cheikh ici, Cheikh Abdallah, cité des paroles de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, dans son livre, La réplique al-Akhna'i, où Cheikh l'Islam a dit, rahmatullah alayh, dans son radd al-Akhna'i, aimer le prophète, c'est une grande obligation parmi les obligations de la religion. Fin de citation. Et il a dit aussi dans le Mjmou', Cheikh l'Islam a dit dans le Mjmou', et comme l'amour du prophète est une base de la religion va être complète. C'est son amour y complet. Il va être diminué selon la diminution de l'amour du prophète, de l'amour qu'on a pour le prophète alayhi salatu wassalam. Fin de citation. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها على قسمين محبة واجبة ومحبة مستحبة. L'amour du prophète alayhi salatu wassalam, les hommes de science ont cité que l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, c'est deux degrés. Le premier degré, l'amour obligatoire, celui de ceux qui sont moyens dans leur adoration ou là qui sont économes dans leurs adorations. Le deuxième degré, l'amour surérogatoire, qui inclut l'amour obligatoire et plus ceux qui mettent en application. Cela concerne ceux qui mettent en application les obligations et font tout ce qui est possible au niveau des surrogatoires. Donc cet amour-là, le deuxième degré, c'est l'amour de ceux qui accourent vers le bien et qui accomplissent beaucoup de bien. Ils font les obligations, mais ils suivent ça de des surrogatoires. Quant au premier degré, c'est l'amour des économes. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله فالأولى درجة المقتصدين والثانية درجة السابقين والأولى تقتضي أن يحب المرء النبي عليه الصلاة والسلام أحب من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، ولا يقدم على حبه عليه الصلاة والسلام حب أحد من الخلق أجمعين، فلا يحب إلا ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من محبة الله، فليحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعز: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه يقول الشيخ عبد الله هذه درجة ومحبة المقتصدين وهي الواجبة. إذن الشيخ عبد الله يقول le premier degré, c'est-à-dire le premier degré dans l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est le degré de ceux qui sont économes, c'est-à-dire ils sont moyens dans leurs actes d'adoration. Et le deuxième degré, c'est le degré de ceux qui devancent les autres par leurs bonnes actions en accomplissant les obligations et en y rajoutant les surrogatoires. Le premier degré dans l'amour du prophète implique que l'être humain doit aimer le prophète plus que sa propre personne, plus que ses parents, plus que ses enfants et tous les gens. Il doit rien mettre au devant de l'amour du prophète alayhi salatu wasalam. L'amour du prophète alayhi salatu wasalam doit être devant l'amour de toute autre créature. Donc, il doit aimer ce qu'Allah et son messager aiment. Car l'amour du messager découle de l'amour d'Allah. Donc, il faut qu'il aime le messager et qu'il aime ce qu'aime le messager. Il doit détester ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste et ce que déteste son messager alayhi salatu wasalam. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset cité ici, tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier des gens qui aiment et prennent comme alliés les ennemis d'Allah et de son messager alayhi salatu wasalam. Cheikh Abdallah, il dit ce premier degré dans l'amour du prophète alayhi salatu wasalam, c'est le degré des économes. C'est l'amour obligatoire. يقول حفظ الله: أما محبة السابقين فهي أن يحب المرء المؤمن المطيع المتبع ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من نوافل الأعمال محبة تامة ويسعى جاهدا في إتمامها وكمالها والإتيان بها على الوجه التام الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلدي حفظه الله تعالى. Quant à l'amour de ceux, c'est-à-dire sabiqoun, ceux qui devancent les autres vers le bien, le croyant obéissant qui suit Allah et son messager aime les actes surrogatoires d'un amour complet. Et il fait des efforts pour les accomplir complètement et parfaitement comme ils ont été rapportés du messager alayhi salatu wasalam. C'est-à-dire ce degré d'yel sabiqun, ceux qui devancent vers le bien, c'est que la personne accomplit les obligations et il aime les surrogatoires et il aime tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam aime et il aime les surrogatoires et il les accomplit de la meilleure des façons, il les accomplit comme ils ont été rapportés du messager alayhi salatu wasalam. يقول حفظه الله: والناس في فهمهم لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام: قسمان أو طرفان ووسط، أهل إفراط وأهل تفريط. فقسم قصروا في تحقيق هذا المقام فلم يراعوا حق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقوموا به ولم يقدموا محبته على محبة أنفسهم أو على محبة أولادهم أو على محبة بعض الخلائق، بل منهم من لم يراعي حقوقا أخرى كالتعزير والتوقير والنصرة والاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، بل منهم من شط وشطط فسلبه حق الرسالة والعياذ بالله. وقسم بالغوا في المحبة فشرعوا أمورا لم ترد بها سنة، ولم يأتي بها كتاب، ولم يجري بها عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويظن هؤلاء أو أولئك أنهم يحسنون صنعا. إيه الذي حفظه الله تعالى؟ Les gens, dans leur compréhension de l'amour du messager عليه الصلاة والسلام, sont trois catégories. Deux extrêmes et un juste au milieu, des laxistes et des exagérateurs. La catégorie qui ont été négligents dans l'accomplissement de l'amour du messager alayhi salatu wassalam n'ont pris en considération le droit du prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont pas accompli. Ils n'ont pas pris en considération le droit du prophète alayhi salatu wassalam, ils ne l'ont pas accompli. Ils n'ont pas mis l'amour du prophète alayhi salatu wassalam au devant de l'amour de leur propre personne, ou ils l'ont pas mis au devant de l'amour de leurs enfants, ou au devant de l'amour de certaines créatures. Certains parmi eux, parmi ces laxistes, n'ont pas pris en considération d'autres droits du messager alayhi salatu wassalam, tels que le fait de le défendre, de le respecter, de lui reconnaître la place qu'Allah lui a octroyé, d'être de son côté et de le défendre et de le suivre d'un suivi véridique. Certains sont allés plus loin en rejetant et en refusant le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ils ont refusé le message du messager alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Une autre catégorie ont exagéré dans l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, en légiférant des choses qui ne sont pas dans la sunna, ni dans le livre d'Allah, et qui ne faisaient pas partie des œuvres des compagnons du messager alayhi salatu wassalam. Il est dit aux catégories, les laxistes et les exagérateurs croient qu'ils sont dans le bien et qu'ils agissent bien. يقول الشيخ عبد الله وهذا التعدي من الطرفين له أسباب لعل من أهمها أولا الإعراض عن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما لشهوة أو لشبهة، والثاني الجهل بكثير من أمور الدين ومنها حقوقه عليه الصلاة والسلام، والثالث اعتقاد بعضهم أن مجرد التصديق كاف في تحقيق المحبة دون بقية الحقوق. Et Cheikh Abdallah de nous dire, cette exagération des deux catégories, il a des causes. Et peut-être que parmi les causes les plus importantes, il y a premièrement le fait de se détourner du suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, soit à cause des ambiguïtés, soit à cause des tentations. Deuxièmement, le fait d'ignorer beaucoup de choses de la religion, et fait partie de cela les droits du messager alayhi salatu wassalam. Troisièmement, certains croient qu'il suffit de croire au messager alayhi salatu wassalam pour que soit accompli son amour et qu'il n'y a pas lieu d'accomplir les autres droits. يقول أما القسم الثالث فهم الذين توسطوا بين الطرفين فسلكوا الطريقة المرضية والمسلوكة على السوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن صار على منهاجهم. إلي كنت la troisième catégorie, ce sont ceux qui sont dans le juste milieu entre ces deux extrêmes, entre l'extrême de l'exagération et du laxisme. Et c'est là, et ceux-là ont pris la voie agréée et empruntée par les compagnons du messager alayhi salatu wassalam et leurs successeurs et ceux qui les ont suivis dans leur voie. يقول حفظه الله فهم آمنوا بوجوب المحبة حكما وقاموا بمقتضاها قولا وعملا واعتقادا، بذلوا النفس والنفيس في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته، وعلموا أن محبته فوق محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين، وعلموا أنه أولى بهم من أنفسهم، ففدوه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم. قال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الشيخ عبد الله دوديغ حفظه الله: La catégorie des justes milieux ont cru à l'obligation d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont accompli ce que cet amour implique au niveau de la parole, au niveau des actes, au niveau des croyances. Ils se sont sacrifiés, ils ont sacrifié ce qu'ils ont de plus cher pour faire triompher le prophète alayhi salatu wassalam, et pour son amour aussi. Ils ont su qu'aimer le prophète alayhi salatu wassalam doit passer avant l'amour de leur propre personne et avant l'amour de leurs enfants et de leur famille et de tous les gens. Ils ont su que le prophète a plus de droits sur eux qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ils se sont sacrifiés pour le prophète alayhi salatu wassalam avec leur âme et leur fortune. Le verset qu'a cité Cheikh ici, dans sa traduction approximative, nous dit ceci: ils n'appartiennent pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont autour d'eux, de s'absenter et de ne pas être derrière le messager alayhi salatu wassalam, derrière le messager d'Allah, ni de préférer leur vie à la sienne. يقول حفظه الله: فكل غلو في حقه صلى الله عليه وسلم هو ليس من محبته، ولو تظاهر الناس بالمحبة بل يجب الابتعاد عنه لأنه مخالف لما أمر به، وكل تقصير يجب أن يلحق بإتمام وكمال وأن يبادر إلى تعديل وإتمام لأنه خلل كبير وصاحبه على خطر. إلجي حفظه الله تعالى: قال حفظه الله تعالى: قاموا بمقتضى هذه المحبة كما قلنا قولا وعملا واعتقادا من غير إفراط ولا تفريط بحسب استطاعتهم ومكنتهم، وتمثلوا أن ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام هو محل تأس واقتداء واقتفاء، فلم يتجاوزوا ما أمروا به، نزلوه منزلته التي أنزله الله إياها. قال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Et donc, je reviens en arrière parce que j'ai passé un passage, qui concerne cette catégorie des justes milieux. Il dit حفظه الله تعالى que cette catégorie des justes milieux ont accompli les obligations de cet amour. Comme nous l'avons dit auparavant, que ce soit, ils l'ont accompli au niveau de la parole, au niveau des actes et au niveau des croyances, sans exagération et sans laxisme, selon leurs possibilités et leurs capacités. Ils ont pris comme modèle tout ce qu'a ramené le messager alayhi salatu wassalam. Ils ont su que c'est lui qui doit être pris comme modèle, alayhi salatu wassalam. Et qu'il doit être suivi. Cette catégorie, qui sont ceux du juste milieu, n'a pas dépassé ce qu'il leur a été ordonné. Ils ont donné au messager la place qu'Allah lui a donnée. Et le verset qu'a cité Cheikh Abdallah ici nous dit, dans la traduction approximative du sens du verset: dis-leur à Muhammad, dis, je ne détiens pour moi ni profit, ni dommage, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais fait beaucoup de bien et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis qu'un avertisseur et annonciateur. L'Araf, verset 188. يقول الشيخ حفظه الله فكل غلو في حقه صلى الله عليه وسلم هو ليس من أحبته ولو تظاهر الناس بالمحبة بل يجب الابتعاد عنه لأنه مخالف لما أمر به وكل تقصير يجب أن يلحق بإتمام وكمال وأن يبادر إلى تعديل وإتمام لأنه خلل كبير وصاحبه على خطر. الشيخ عبد الله ندي حفظه الله toute exagération au niveau du droit des droits du prophète alayhi salatu wasalam ne fait pas partie de son amour. Même si les gens prétendent aimer le prophète alayhi salatu wasalam, il est obligatoire de s'éloigner de toute forme d'exagération. Car l'exagération est en divergence avec tout ce qu'il a ordonné alayhi salatu wasalam. Et tout laxisme à l'encontre du prophète alayhi salatu wasalam doit être rattrapé, complété. Et l'être, et la personne qui est dans le laxisme doit le compléter, car c'est une grande lacune. Et la personne laxiste à l'encontre du prophète alayhi salatu wasalam est dans un grand danger. يقول حفظه الله المطلب الثاني الأدلة من السنة على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم. يقول تضافرت الأدلة من السنة مؤكدة على وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم وأن ذلك من صميم الدين فلا يتم إيمان المرء إلا بتحقيقه بل ويقدمه على النفس والوالد والولد والناس أجمعين. Et il passe à un autre paragraphe dans ce chapitre de l'amour dans ce droit du prophète alayhi salatu wasalam, ce qui est qui concerne les preuves de la sunna, qui concerne, qui argumente comme quoi il est obligatoire d'aimer le prophète alayhi salatu wasalam. Il dit Havidallah, les preuves dans la sunna sont nombreuses dans la sunna, qui confirment l'obligation d'aimer le prophète alayhi salatu wasalam, et que cela fait partie de la religion, fait partie du noyau de la religion. La foi de la personne ne saurait être parachevée qu'en aimant le prophète alayhi salatu wasalam. Mais pas seulement l'aimer, c'est de mettre l'amour du prophète alayhi salatu wasalam au devant de l'amour de sa propre personne, et au devant de l'amour de ses enfants, et au devant de l'amour de ses parents et de tous les gens. يقول حفظه الله فمن ذلك ما خرج البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه تعالى رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمي الآن يا عمر. فهذا نص واضح وبرهان قاطع على وجوب تقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس. Et Cheikh Abdallah de citer la première preuve, parmi les preuves qu'il a citées, c'est une preuve qui est rapportée par l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, dans l'authentique, où il dit que Omar, radiyallahu anhu arda, a dit au prophète, il a dit au prophète alayhi salatu wasalam, ô messager d'Allah, après l'amour de ma personne, tu es la personne que j'aime le plus que toute autre chose. Il lui a dit, après l'amour de ma propre personne, tu es la personne que j'aime plus que toute autre chose. Le prophète lui a dit, non, par celui qui tient à mon âme, jusqu'à ce que tu m'aimes plus que toi-même. Omar a dit, maintenant par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a dit, maintenant, ô Omar. Maintenant, ô Omar. Et Cheikh Abdallah de dire, Ceci est un texte clair et une preuve irréfutable concernant l'obligation de mettre l'amour du prophète alayhi salam au-dessus et au-devant de l'amour de la propre personne. يقول حفظه الله ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الإمام ابن رجب معلقا على هذا الحديث فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. إيه أن دوزيام حديث الحديث دنس rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, et la version qu'il a citée ici, c'est la version de l'imam Bukhari, rahimahullah, où il dit que le prophète a dit, quelqu'un parmi vous ne croira que jusqu'à ce qu'il m'aime, plus que ses parents, ses enfants et tous les gens. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dans Jami' al-Uloum wal-Hikam, commentant ce hadith, il a dit, le croyant ne sera croyant qu'au moment où il mettra en avant l'amour du messager devant l'amour de toute autre créature. Et l'amour du messager découle et suit l'amour de l'envoyeur. C'est-à-dire, l'amour du messager, de notre messager, alayhi sallam, découle directement de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et si on aime Allah, on doit aimer le messager alayhi salatu wassalam. Ils doivent pas être séparés. Et il est passé avec nous le verset. Dites si vous aimez Allah, Allah il vous aimera. Dites si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah il vous aimera et pardonnera vos péchés. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي. إيه لميموريزاتور ابن حجر رحمه الله أدي car c'est l'être humain médite le bienfait qui lui arrive par le biais du prophète alayhi salatu wassalam qui l'a sorti des ténèbres de la mécréance vers la lumière directement où il en était la cause. Il saura que le prophète alayhi salatu wassalam est la cause pour que son âme vit dans les délices éternels. Wa akhraja muslim rahimahullah ta'ala fi sahih من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله بمعنى يفديه عليه الصلاة والسلام بأهله وماله. فهذه الدلائل الظاهرة والأدلة البينة كلها تفيد وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب إنفاذها على النفس والوالد والولد والناس أجمعين وأن ذلك من أعظم مظاهر محبته وأدل علاماته. إيه إدي حفظه الله تعالى لمن مسلم Je reviens en arrière, j'ai oublié un passage encore. Allah musta'an. يقول الحافظ ابن حجر وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره. ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها أعلم والله الموفق. انتهى كلام Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Et donc, Ibn Hajar a dit aussi, dans Fath al-Bari, il a dit, l'être humain saura que le profit qu'il obtient par le biais du prophète alayhi salam est beaucoup plus grand et plus important que tout autre profit, que tout autre profit. C'est pour ça que le prophète alayhi salam mérite d'être aimé plus que toute autre chose. Car le profit et l'intérêt qui fait aimer et qui pousse à aimer quelque chose, seul l'intérêt, le profit qui provient du prophète alayhi salam est plus important et plus grand que n'importe quel autre prophète, quel autre profit. Mais les gens sont à des degrés différents dans leur façon de se présenter cela ou d'en être insouciant. Il n'y a aucun doute que les compagnons à ce niveau sont au sommet, car cela découle de la connaissance et les compagnons étaient les plus connaisseurs à ce stade et c'est Allah qui donne la réussite. وأخرج مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله بمعنى يفديه عليه الصلاة والسلام بأهله وماله فهذه الدلائل الظاهرة والأدلة البينة كلها تفيد وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب إنفاذها ووجوب إنفاذها على النفس والوالد والولد والناس أجمعين وأن ذلك من أعظم مظاهر محبته وأدل علاماته. Et donc, c'est une autre preuve qui est rapportée par l'imam Muslim rahimahullah dans l'authentique le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré les nobles compagnons radhiyallahu alayhim, que le messager d'Allah a dit, ceux qui m'aiment le plus parmi les gens de ma communauté, ce sont des gens qui vont venir après moi. L'un parmi eux aimerait me voir en sacrifiant les siens et sa fortune. Cheikh Abdallah, il dit, toutes ces preuves claires et explicites montrent qu'il est obligatoire de mettre l'amour du prophète alayhi salatu wassalam au devant de tout autre amour et que son amour doit être au-dessus de l'amour de la propre personne, de ses parents, de ses enfants et de tous les gens. Et cela, c'est l'un des grands aspects de l'amour du prophète et l'un des grands signes et de cet amour et l'une des grandes preuves de cet amour. ومن ذلك فمن علامات محبته عليه الصلاة والسلام تمني رؤيته والشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث قريبا. ويصف البراء بن عازب رضي الله عنه فرح أهل المدينة بمقدم الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إليهم بقوله فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. Et parmi, Cheikh il nous dit, parmi les signes de l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام, le fait de souhaiter sa rencontre et d'avoir une grande envie de le rencontrer, comme ça a été cité dans le hadith de Muslim, cité à l'instant le hadith d'Abu Huraira. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, de rapporter le hadith de Barra ibn Azib, qui décrit la joie des habitants de Médine lors de l'arrivée du noble bien-aimé Mohammed a.s. en disant, je n'ai pas vu les gens de Médine joyeux comme ils l'étaient avec l'arrivée du messager a.s. à Médine. ومن ذلك أي من علامات محبته اتباعه واقتفاء أثره والسير على سنته كما مر تفصيلا. Parmi les signes de son amour, c'est de le suivre et de le prendre comme modèle et être sur sa trace et mettre en application sa sunna, comme ça a été détaillé auparavant. وكذلك من علامات محبته محبة من أحبهم عليه الصلاة والسلام محبة من أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه الطاهرات وآل بيته الطاهرين، فإن ذلك من أصول أهل السنة والجماعة. Et donc, parmi les, dit Cheikh, il dit, parmi les signes de l'amour du messager alayhi salam, c'est aimer ce que le prophète aimait. C'est aimer les femmes du prophète alayhi salam, ces femmes vertueuses et pures qui étaient les femmes du prophète alayhi salam. C'est aimer aussi les nobles membres de sa famille. Et ceci est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna et de l'unité, d'aimer la famille du prophète alayhi salam. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معددا أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام dans le جموع citant les fondements des gens de la sunna et de l'unité, il dit parmi leurs fondements, ils aiment la famille du messager alayhi salatu salam. Et leur alliance est pour la famille du prophète alayhi salatu salam. Ils préservent l'ordre et le testament du messager alayhi salatu salam concernant sa famille. Fin de citation. ومن ذلك محبة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. Et parmi les signes de l'adoration de l'amour du et parmi aussi les signes de l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est le fait d'aimer ses compagnons que Allah سبحانه وتعالى les agrée. Comme il est rapporté dans le hadith d'Anas, rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le signe de la foi, c'est aimer l'ansar, et le signe de l'hypocrisie, c'est détester l'ansar. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. Et dans les authentiques, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ardaah, apporte la parole du messager alayhi salatu wasalam qui a dit, les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération, hein, et la génération qui les suit est celle qui la suit. Le hadith, c'est-à-dire la meilleure des générations, c'est celle du prophète alayhi salatu wasalam. La suit, la génération des successeurs, des nobles compagnons, la suit, hein, celle des successeurs du noble compagnon رضي الله عليهم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. Dans les authentiques aussi, le hadith d'Abi Saïd al-Khudri qui a dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, n'insultez pas mes compagnons. Si quelqu'un parmi vous dépense sur le sentier d'Allah l'équivalent de la montagne de Uhud au nord, il n'arriverait pas à la poignée ou à la moitié de la poignée de dépenses de l'un parmi les nobles compagnons. On voit dans ce droit que l'amour du prophète alayhi salatu wasalam et le noyau, hein, de la religion. Et cela veut dire le suivre, le prendre comme modèle, aimer ce qu'il aimait, alayhi salatu wasalam, détester ce qu'il détestait, alayhi salatu wasalam. Fasallah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, an yarzuqana wa iyyakum hubban sadiqan li nabiyyina alayhi salatu wasalam, wa ij'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla wa فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق علماءنا لما يحب ويرضاه وأن يطيل عمرهم في طاعته وينفعنا بعلمهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.